Je chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour et pour mes enfants qui ne la verront jamais ou la connaîtront sur un cahier d'écolier. Alors je chante. Je chante pour tout l'or qui ne fait pas le poids. Moi, toute ma richesse respire sous mon toit, car on est riche que d'avoir donné la vie. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante s'appelle mélancolie. Je chante quand la nuit a des airs qui reviennent nous dire que demain ne tient pas ses promesses. On peut mourir deux fois pour l'amour d'un enfant. Alors je chante. Je chante pour les femmes qui n'ont pas de couronne et qui se battent pour qu'on ne couvre pas leur tête. Ils les en diraient, la vie est une fête. Alors je chante, alors je chante. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante l'air qui s'appelle mélancolie. Je chante.